qui m'avait rejoint dans la lutte. Sachez que nous avons combat. Thank you. free and get out of here. Thank you. Okay.